plaisir. Comme on fait des photos. Ah oui. Mais c'est joli, hein, les trucs assez vieux. Vous avez envie de passer avant? Ça rendait bien, parce qu'ils ne savaient pas trop comment ça. Mais ils savaient tellement de coffres. Ça pas besoin de micro là. Ah non.